La maison de la rue d'enfer par Émile Souvestre. Le jour allait finir, et le soleil couchant ne jetait plus dans l'atelier qu'une lueur mourante. Frédéric recouvrit la pierre lithographique à laquelle il travaillait, et vint rejoindre à la fenêtre Henri Leblanc, qui s'amusait à émietter du pain aux moineaux du Luxembourg. « Eh bien, mon Raphaël, as-tu fini ?» demanda celui-ci en frappant sur l'épaule du jeune peintre. « Non, le jour m'a manqué. » Et cependant, l'éditeur doit faire reprendre la pierre demain. Tu es donc obligé de livrer ton travail à une heure fixe, à peu près. Leblanc haussa les épaules. Voilà où nous en sommes venus, s'écria-t-il. Les artistes sont maintenant les esclaves de ces gueux de brocanteurs. Tu t'es trompé d'époque en venant au monde, mon pauvre garçon. Et au lieu de te trouver ici en blouse de toile, dans une chambre de 10 pieds, travaillant aux pouces carrés pour des entrepreneurs, tu serais un pourpoint de soie, l'escarcelle bien garnie, et occupé à peindre quelques vierges dans une grande cathédrale, ou quelques maîtresses de roi dans un palais. Mieux vaut être un pauvre ouvrier libre qu'un laquais opulent. Ainsi tu es content de ton sort? Non. Mais qui me dit que j'eusse été plus content il y a 5 siècles? Je ne te comprends pas, ma parole d'honneur. On dirait que tu n'es pas artiste. Tu ne te plains jamais. Moi, je suis médecin, et par conséquent désintéressé dans la question. Mais j'ai horreur de notre siècle d'épicier. Je ne puis voir un talent méconnu sans avoir une névralgie. Et l'on ne voit que cela aujourd'hui. Hier encore, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme employé aux assurances qui est auteur d'un poème admirable sur le Mont Carmel. Il te l'a lu? Non, mais il suffit de voir sa tête pour deviner que c'est un grand poète. Il a la bosse de l'idéalité la plus développée que j'ai jamais rencontrée. Eh bien, personne ne le connaît. Aussi a-t-il décidé à s'asphyxier à la fin de l'année s'il n'a pas trouvé un éditeur. Il a déjà composé la moitié de la pièce de verre qu'il laissera dans la poche de son gilet pour que les journaux la publient. Frédéric Garnier sourit tristement sans répondre. Il connaissait trop bien Henri pour essayer de le combattre. Depuis longtemps déjà, celui-ci avait adopté, au nom de l'art, ce rôle de procureur du roi contre l'époque. C'était sa spécialité, et ses confrères le citaient, sinon comme le plus habile, du moins comme le plus artiste des médecins de Paris. Leblanc avait en outre cette vanité trop commune qui nous fait transformer tous ceux que nous connaissons en grands hommes, afin de nous dorer aux rayons de leur gloire. Sans cesse à la recherche des génies ignorés, il en avait chaque jour quelques nouveaux en portefeuille. Malheureusement, l'expérience avait mis en garde contre ses faciles enthousiasmes, et auprès du plus grand nombre, son approbation était devenue plus dangereuse que profitable. Frédéric était loin de partager les opinions de son ami, mais voulant éviter une discussion inutile, il changea de sujet et lui parla de son nouveau logement. « Regarde, lui dit-il, les arbres viennent jusqu'à ma fenêtre. Je suis éveillé par le pinson qui chante dans les tilleuls. J'ai là une porte qui donne sur les allées. J'y descends le matin quand tout est encore solitaire, et pendant 2 heures, je puis croire que le Luxembourg est à moi. Puis, tous les locataires sont à la campagne. Je suis seul dans ce grand hôtel et tranquille comme dans le fond d'un couvent. Tu es décidé à passer ici tout l'été? Tout l'été. Tu as donc renoncé à ton voyage d'Italie entièrement. Tu as eu tort. C'est possible. » La conversation devint languissante, et peu après Leblanc sortit pour se rendre au théâtre de l'Odéon, dont il était médecin depuis quelque temps. Lorsqu'il fut parti, Garnier demeura accoudé à sa fenêtre, le front penché et le cœur profondément triste. Henri ne s'était pas aperçu, en lui parlant de son voyage d'Italie, qu'il touchait à une espérance, morte depuis peu, et que le jeune peintre avait amèrement pleuré. Encouragé par quelques premiers succès, toujours facile, parce qu'il ne porte ombrage à personne, Garnier avait fait ce rêve il y avait 1 an, et comme il arrive toujours quand on est jeune, il l'avait fait tout haut devant ses amis, présentant, sans s'en apercevoir lui-même, une espérance comme un projet. Mais la réussite, satisfaisante d'abord, s'était bientôt montrée plus incertaine. Au premier enthousiasme des protecteurs avait succédé l'indifférence. Frédéric comprit qu'on avait fait pour lui comme pour les jeunes soldats, que chacun aide le premier jour, mais auquel, une fois en marche, on laisse tout le poids de leurs armes et tous les dangers du chemin. Ses travaux diminuèrent, on les paya moins. Enfin, il fallut toucher à cette part de l'espérance réservée sur ses premiers gains, et loin de prêter à l'avenir, vivre avec les réserves du passé. Il y eut dans cette ruine de ses plus doux rêves bien des suspensions et bien des crises. Mais les exigences de chaque jour dévorèrent lentement son pauvre trésor. Oh, que de fois il s'indigna pendant cette lutte de voir le triomphe de la matière sur les esprits et du besoin sur le désir. Que de fois il s'irrita contre les dispendieuses nécessités de la vie, se condamnant à la retraite, reformant ses habitudes élégantes et essuyant la faim. Mais, malgré tout, le moment vint où il fallut reconnaître l'impossibilité de son espérance et renoncer au voyage qu'il avait vu pendant 2 années comme une récompense et comme un but. Il y avait 8 jours à peine qu'il s'était fait à lui-même cet aveu, et les maladroites paroles de Henri avaient ravivé toute sa douleur. Il resta longtemps à la fenêtre, complètement perdu dans sa rêverie, et ne fut rappelé à lui que par le tintement de l'horloge qui sonnait 10 heures. Il remarqua alors que le Luxembourg était silencieux. La brise, qui s'était élevée, apportait jusqu'à lui les senteurs des orangers, et les blanches statues du jardin apparaissaient à travers les arbres mouvants comme une armée de muets fantômes. Frédéric contempla un instant cette nuit pleine d'étoiles et de parfums, puis repoussa la fenêtre avec un soupir et fit quelques pas dans l'appartement. Mais le passage subit du ciel lumineux qu'il venait de contempler à l'obscurité de son atelier lui causa une émotion pénible. Il lui semblait qu'il manquait d'air, d'espace. Sa chambre lui fit l'effet d'un tombeau. Il s'assit et regarda autour de lui. Quelques masques de plâtre accrochés au mur se détachaient dans l'ombre et un mannequin bizarrement drapé dessinait confusément dans un coin une forme humaine. Frédéric se sentit oppressé. À sa tristesse avait succédé une sorte de vague effroi, qui n'était qu'une autre expression de l'abattement de son âme, son isolement, qui tout à l'heure avait rappelé des larmes à sa paupière, lui faisait peur maintenant. Il éprouvait une répugnance craintive à se lever. Son oreille était attentive, et ses yeux, errant autour de lui, semblaient attendre quelque étrange apparition. Tout à coup, un pas léger retentit au dehors. La porte s'ouvrit brusquement, et une femme s'arrêta sur le seuil. Frédéric s'était levé, pâle et troublé. La femme parut chercher un instant dans l'obscurité, et apercevant enfin le jeune homme à la clarté des étoiles qui glissaient sur le mur, elle s'avança droit à lui. « Monsieur Frédéric Garnier, » dit-elle d'une voix haletante, « c'est moi, madame. Vous avez ici une porte qui donne sur les jardins du Luxembourg ?»« Oui, madame. Au nom de Dieu, ouvrez-la-moi. » Frédéric fit un mouvement de surprise. « Oh, je vous en conjure, monsieur, » reprit-elle, « ne me refusez pas. Je vous devrai plus que la vie. » Tout cela était dit avec un accent étranger que Frédéric n'avait jamais entendu. Mais une voix si déchirante qu'il en fut touché. Par un mouvement rapide et instinctif, il courut à la porte qu'on le priait d'ouvrir. Elle était fermée. « Pardon, madame, » dit-il en fouillant un tâton sur la table de travail. « Je cherche la clé. »« Merci, monsieur. »« Ah, merci. »« Eh bien, vous ne la trouvez pas ?»« Sans lumière, je ne puis. Allumez-en !» Frédéric courut dans la chambre voisine et reparut bientôt un bougeoir à la main. Son premier regard se porta sur l'étrangère. Il demeura immobile et comme ébloui de sa beauté. « La clé, monsieur, la clé !» répéta celle-ci avec une expression d'irrésistible prière. Il la trouva enfin parmi ses papiers et courut à la porte pour l'ouvrir. En ce moment, un coup de feu retentit dans le Luxembourg. La jeune femme jeta un cri et s'appuya au mur. « Qu'y a-t-il, madame ?» demanda Frédéric effrayé. « la porte, monsieur !» Il l'ouvrit et elle se précipita dans le jardin. Il la vit traverser l'allée, courir droit à la statue la moins éloignée, se pencher sur quelque chose de sombre, puis tomber. Il s'élança vers elle et la trouva à genoux, tenant dans ses mains les mains d'un jeune homme étendu sans mouvement. « Au nom du ciel, qu'est-il arrivé, madame ?»« Du secours, monsieur, du secours !» Frédéric se pencha pour l'aider à redresser le corps immobile. Elle voulut soulever la tête, mais à peine ne l'eut-elle touchée qu'elle poussa un cri horrible. Elle venait de sentir cette tête brisée céder sous ses doigts. « Qu'avez-vous ? » demanda Garnier. « Mort !» murmura la jeune femme. Et ouvrant les bras, elle se laissa retomber sur le cadavre. Tout cela s'était passé en quelques secondes. Frédéric était hors de lui. La vue de ce sang et de cette femme folle de désespoir lui donnait le vertige. Il regardait avec épouvante, ne sachant à quoi se décider, lorsqu'un pas régulier se fit entendre au loin. Il tourna la tête et aperçut, à la clarté de la lune, 2 gardes qui se dirigeaient de son côté. La pensée d'être surpris près de ce cadavre, de se trouver peut-être mêlé à quelque crime, le glaça. Son premier mouvement fut de fuir. Puis il eut honte d'abandonner une femme dont le hasard l'avait fait le protecteur. Il l'enleva dans ses bras, à demi évanoui, et voulut retraverser l'allée. Mais il eut à peine le temps de se jeter derrière le socle de la statue. Les gardes étaient à quelques pas. Il y eut alors pour lui un affreux moment d'attente. Les deux vétérans causaient paisiblement. Le plus jeune s'arrêta pour atteindre les branches de lilas, et Frédéric sentit son front caressé par le feuillage agité. « Voilà un bouquet pour Louise, » dit le soldat en respirant le parfum des fleurs qu'il venait de cueillir. « Une belle nuit, » ajouta son compagnon, « il fait bon vivre ici. » Dans ce moment, ils tournèrent le socle de marbre et leurs pieds heurtèrent le cadavre. « Qu'est-ce que cela, Pierre ?» Pierre se baissa. « Dieu me pardonne, c'est un homme assassiné. Pas possible, vois plutôt. C'est le coup de pistolet que nous avons entendu tout à l'heure. Cours au poste pour avertir, moi je reste. Dépêche. » L'un des gardes s'éloigna en courant. Garnier n'osait respirer. Ne pouvant plus fuir, il regrettait de s'être caché et sentait pourtant qu'il était trop tard pour se montrer. Il entendit bientôt, du côté du palais, des voix et un bruit de pas. Le gardien, qui s'était assuré que le cadavre n'avait plus aucun signe de vie, alla au-devant de ceux qui arrivaient. Frédéric comprit qu'il n'avait qu'un moment et qu'une chance de salut. Serrant dans ses bras la jeune femme, il abandonna le piédestal, dont l'ombre l'avait jusqu'alors caché, traversa l'allée, atteignit la porte de son atelier et s'y précipita. Son premier soin, après avoir dépassé l'étrangère sur le divan, fut de courir à la fenêtre pour s'assurer qu'il n'avait été ni aperçu ni poursuivi. Mais tout était calme dans le jardin. Il distingua seulement, à travers les arbres et du côté de la statue, des lumières qui s'agitaient. Il se hâta de revenir près de la jeune femme qui commençait à reprendre ses sens. L'embarras de Garnier était extrême. Il y avait dans tout ce qui venait de se passer un mystère trop incompréhensible pour lui permettre de hasarder aucune parole. Il demeura donc debout, à quelques pas de l'inconnu, gardant le silence et semblant attendre ses ordres. Cependant, comme elle continuait à promener autour d'elle des regards effarés, il lui dit doucement « Vous êtes en sûreté, madame. » Elle attacha sur lui des yeux fixes, garda quelque temps le silence, puis se mit à murmurer tout bas des paroles sans suite. Bientôt sa voix devint plus haute. Elle se redressa d'un air égaré en appelant Franz avec des cris. Frédéric, effrayé, voulut en bas la calmer. Son délire alla croissant jusqu'à ce que, brisée par tant d'émotions violentes, elle se laissa retomber sans force et presque évanouie. Le jeune peintre saisit ses mains. Elles étaient glacées. Il toucha son front et le trouva brûlant. Quelques gouttes de sang coulaient entre les dents serrées de la jeune femme et tout son corps était agité d'une convulsion d'agonie. Une profonde terreur s'empara de Garnier. Tout ce qui venait de se passer lui avait ôté sa présence d'esprit habituelle. Jeté subitement au milieu d'une aventure bizarre, son imagination s'était exaltée et depuis quelques instants, il croyait tout possible, excepté une chose ordinaire. Aussi, la pensée que cette femme allait mourir chez lui et le laisser sous le poids d'un mystère dont on pourrait lui demander compte, fut-elle la première qui le frappa. De prompts secours pouvaient peut-être la sauver, mais où en trouver? Il n'avait pas de voisin, le portier lui-même était absent et n'avait laissé à la loge que son père, vieillard infirme et idiot. Tout à coup, le souvenir de Leblanc lui revint. L'Odéon n'était qu'à quelques pas, et il était sûr de l'y trouver. Il n'y avait point à hésiter. Il jeta encore un coup d'œil à l'étrangère, qui était toujours dans le même état, et courut au théâtre. Il connaissait heureusement la place où Henri avait l'habitude de se tenir. Il arriva jusqu'à lui en escaladant les stalles de l'orchestre, au milieu des injures, le saisit par le bras et le força à le suivre. « À qui diable en as-tu ? » lui demanda Leblanc une fois sorti de la foule. « Tu le sauras. » répondit Garnier en prenant sa course sans lui lâcher le bras. « Viens, viens vite. Mais où me conduis-tu ? Chez moi. » « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose ? Oui. Un accident ? Oui. Il y a quelqu'un de blessé ? Oui. » Ils arrivèrent toujours courant au numéro 18 de la rue d'Enfer. Frédéric frappa la porte, s'ouvrit et s'élança vers sa chambre. L'étrangère n'y était plus. Il courut à la loge du portier. « Est-il sorti quelqu'un pendant que j'étais dehors ? » demanda-t-il. « Personne, monsieur. » Il revint, éperdu, monta le grand escalier jusqu'au dernier étage, redescendit à son logement, ouvrit les armoires, dérangea les meubles, écarta les rideaux. Il n'y avait personne. « Mais, de par tous les diables, que cherches-tu ? » s'écria Leblanc, qui l'avait suivi dans toutes ses excursions sans y rien comprendre. Frédéric se laissa tomber sur le divan sans répondre. La disparition de l'inconnu mettait le dernier sceau au mystère de cette étrange soirée. Le lendemain du jour où Frédéric Garnier s'était trouvé témoin de la scène que nous avons racontée, les journaux annoncèrent que le cadavre d'un jeune homme, dont on ne connaissait ni le pays ni le nom, avait été trouvé dans le jardin du Luxembourg. Le jeune peintre espéra en vain de plus amples renseignements. Cette affaire parut bientôt oubliée, mais elle avait laissé dans l'âme du jeune homme un souvenir profond. Jusqu'alors, il avait séparé le monde des livres du monde pratique et n'avait regardé comme possible que l'effet vulgaire qui se répétait chaque jour. Ce fut pour lui un nouvel aspect de l'existence, une réapparition de l'extraordinaire dans ce monde qu'il avait cru soumis au seul calcul de la nécessité ou de l'habitude. Or, une fois cette porte ouverte, tous les rêves de son imagination prirent leur volée. Dès qu'il put croire au romanesque, il ne voulut plus songer à rien d'ordinaire, converti au culte du merveilleux. Il y porta toute la ferveur d'un nouveau fidèle et rappela, lui, toutes les chimères qu'il avait charmées au collège, alors que ses nuits se passaient à lire à la lueur d'une lampe soigneusement cachée. Il lui sembla impossible que l'aventure dans laquelle il avait été acteur en restât là. C'était à ses yeux le commencement d'un livre qu'il se mit à continuer en imagination, bâtissant dans le vide de longs drames dont il faisait le dénouement heureux ou terrible selon l'humeur du jour. Du reste, cette crise poétique releva son âme abattue. C'était après tout l'espérance qui revenait au logis, déguisée en héroïne de roman. Frédéric reprit avec courage ses travaux, sûr que quelque grand changement se préparait dans sa destinée. L'événement ne tarda pas à justifier ses prévisions. Un matin qu'il travaillait avec ardeur à un tableau, Leblanc arriva, accompagné d'un visiteur que Garnier n'avait jamais vu. « Ne te dérange pas !» s'écria le médecin en entrant. « C'est devant sa toile qu'il faut voir un peintre. Je te présente M. Bertmann, de Munich. » Frédéric, embarrassé, salua. « Un admirateur enthousiaste de ton talent !» Frédéric, plus embarrassé, salua de nouveau. « Un amateur dont tu as dû entendre citer la galerie. » Frédéric salua une troisième fois. Pendant tout ce temps, M. Wertmann était demeuré debout et appuyé sur sa canne, dans l'attitude d'un chevalet qui attend une toile. Garnier l'engagea à s'asseoir. Mais l'Allemand jeta les yeux autour de lui et s'arrêta devant deux paysages que Frédéric regardait comme ses deux meilleures peintures. Après les avoir examinés assez longtemps, il se détourna vers le jeune peintre. « Cela est-il vendu ? » demanda-t-il. « Non, monsieur. J'en offre 100 louis. » Frédéric leva brusquement la tête. « Pouvez-vous les donner à ce prix ?»« Sans doute. » Wertmann tira son portefeuille. « Je les ferai prendre aujourd'hui, » dit-il en remettant Garnier la somme proposée. Celui-ci regarda Leblanc pour savoir s'il n'était point victime d'une mystification, mais Leblanc sembla aussi étonné que lui. « Je voudrais avoir également de vous, » reprit l'Allemand, « 4 rues de Rome, mais pris sur les lieux. Avez-vous vu l'Italie ?»« Je la verrai sous peu, monsieur. » Wertmann rouvrit son portefeuille. « Je paierai 1 000 francs chaque tableau, » dit-il. Il présenta Garnier 2 billets de banque. Garnier voulut refuser. « Ce sont les arts, » dit l'Allemand. « J'ai toujours eu l'habitude de m'assurer ainsi les œuvres que je commandais. » Le jeune peintre fut obligé de se conformer à cet usage et d'accepter l'argent. Il signa un reçu à M. Wertmann, qui prit congé de lui presque aussitôt. À peine fut-il parti que Frédéric sauta au cou de Leblanc. « J'irai en Italie, j'irai en Italie. Comment ? » s'écria-t-il. « Je pourrais voir les fresques de Raphaël et de Michel-Ange. Regarde, je suis riche. J'ai là de quoi attendre, de quoi devenir peintre. » Il agitait ses billets de banque comme des castagnettes et danser autour de son atelier en renversant les tabourets. « Et dire, » ajouta-t-il tout à coup, « que le bonheur, la gloire, tout enfin, peut dépendre de quelques chiffons de papier comme ceux-ci. Pensez qu'avec 4 500 francs, on pourrait faire un grand homme. Oh, mes beaux billets de banque, mes professeurs, mes bons génies, mes dieux !» Et les embrassait. « Honnête, monsieur Wertmann, et moi qui ne pouvais pas souffrir les Allemands, la première nation du monde pour acheter des tableaux. Désormais, je veux faire ma prière les yeux tournés vers le Rhin, comme les vrais croyants vers la Mecque. Je veux apprendre à fumer et à aimer la choucroute. Mais où diable, Leblanc, as-tu déterré ce vertueux amateur? Mon Dieu, un hasard. Je l'ai rencontré à l'Odéon. Nous avons parlé art, je t'ai cité. Il a vu des toiles de toi chez les marchands et il m'a demandé à te voir. Merci. C'est toi qui as ouvert ma porte à la bonne fortune. Tu aurais été mon Mercure. Je veux te peindre en gilet de flanelle, le caducée à la main et les ailes rivées au talon de tes bottes. Tu deviens fou. De joie, c'est possible. Quand on n'en a pas l'habitude. À propos, tu restes avec moi? Je ne veux pas que ce jour finisse comme un jour ordinaire. Nous dînerons chez Véry, et je loue une loge à l'opéra. Tu ferais mieux de te soigner et de boire de la tisane de laitue. Et au nom de Dieu, laisse-moi le temps de cuver ma joie. Tu ne comprends pas que je jouais mon avenir contre le diable et que je viens de gagner la partie? Aujourd'hui, vois-tu, j'ai foi en moi. Je me sens fort, puissant. Le roi de France ne me vient pas au coude. Partons. Je vais acheter une boîte de voyage, un chapeau de paille et un passeport. 5 jours après, Frédéric Garnier était sur la route de Marseille où il allait s'embarquer pour l'Italie. Sa folle joie s'était calmée. Il en avait pris possession et un sentiment de bonheur grave en avait pris la place. Près de voir les chefs-d'œuvre dont la pensée avait occupé si longtemps ses rêves d'artiste, il éprouvait une sorte de sentiment inquiet comparable à celui de la jeune fille qui marche vers l'hôtel où l'attend son fiancé. Aussi, lorsque les montres à Gênes, sortant des brumes du matin, ne peut-il retenir un cri? L'Italie était enfin devant lui. Il visita successivement Florence, Pise, Naples, Venise et Rome, retrouvant partout, dans les musées, dans les églises, dans la campagne, dans l'air, les sublimes traditions de l'art. Les premiers mois de son voyage furent consacrés à l'admiration. Mais bientôt, le besoin d'imiter le saisit au milieu de ses œuvres de choix et de cette nature d'élite. Il se mit à peindre et s'aperçut de l'influence que l'aspect du beau avait déjà exercée sur lui. Son œil était devenu plus intelligent, sa main plus ferme. Je ne sais quelle incarnation de tout ce qui l'entourait l'avait pénétré à son insu. Il acheva en 3 mois un tableau plus important que tous ceux qu'il avait essayés jusqu'alors et l'expédia en France pour l'exposition qui allait s'ouvrir. Bien qu'il sentît vivement tout ce qui manquait à son œuvre, il espérait qu'elle serait remarquée et qu'elle lui vaudrait quelques encouragements. Il attendit donc avec une fiévreuse impatience l'ouverture de cette espèce de concours où le public était appelé à juger. Il reçut enfin de Leblanc la lettre suivante. « Voilà 8 jours que les galeries sont ouvertes, mais avant de t'écrire, j'ai voulu savoir ce que le public déciderait de ton œuvre. Sois heureux, frère, le public t'a compris. Le génie a forcé l'ignorance elle-même à l'admiration. Frère, béni soit la mère qui t'a donné le jour, car la patrie lui devra une de ses gloires et son fils sera grand parmi les hommes. » Déjà une acclamation unanime s'élève sur son passage. Monte au Capitole, triomphateur, sans t'occuper des injures que quelques soldats ivres chantent à la suite de ton char. Adieu, te voilà victorieux et tout-puissant. Mais n'oublie point, César, que, le premier, j'ai su découvrir l'auréole autour de ton front. Henri Leblanc. Postscriptum. N'oublie pas de m'expédier par Livourne les cordes du violon et la pâte de macaroni que je t'ai demandé. Sauf le postscriptum, qui était fort clair, Frédéric ne comprit pas grand-chose à ce que lui écrivait son romantique ami. Il s'aperçut seulement à la ponctuation étrange de sa lettre, divisée en versets comme une épître aux Corinthiens, que Leblanc venait de lire le dernier jour d'un condamné et donnait pour le moment dans le dithyrambe. Par bonheur, quelques autres lettres d'un style moins élevé et les journaux qu'il reçut lui confirmèrent le succès métaphoriquement annoncé par Henri. Il apprit que son tableau l'avait placé d'un seul coup à côté des maîtres les plus illustres et avait suffi pour rendre son nom populaire. Le prix élevé qui lui fut proposé et les demandes qui lui arrivèrent de toutes parts achevèrent de le persuader. Frédéric ne se sentit point étourdi, mais fortifié d'un succès aussi subi. Les âmes bien faites savent tout supporter, même la prospérité. Il comprit que sa célébrité précoce n'ajoutait rien à son talent et lui imposait de nouveaux devoirs. Il se promit, en conséquence, de se montrer d'autant plus sévère envers lui-même que le public serait plus indulgent et de faire en sorte de mériter toujours plus qu'il ne lui serait accordé. Mais il ne se laissa point aveugler par l'orgueil. Il acquit une juste confiance en lui-même et sa voix, sa force, qu'il avait jusqu'alors discutée. Après avoir achevé d'étudier l'Italie, il résolut de revenir en France, où l'appelait sa réputation nouvelle et des travaux importants qu'il avait acceptés. Il remonta donc jusqu'à Milan et entra en Suisse pour gagner le Rhin vers Bâle, puis Paris. Il s'attendait à de sublimes spectacles, à de puissantes et douces émotions. Il espérait trouver dans ces nids d'aigle de vrais descendants de Guillaume Tell. Il ne vit que de petits peuples sur de grandes montagnes, et la sublime opulence de la création faisant honte à l'avaricieuse rapacité des hommes. La Suisse qu'il avait espérée n'existait plus. Celle qu'il parcourut n'était qu'un magique panorama où l'on payait tout, depuis le fromage des chalets jusqu'aux avalanches des montagnes, depuis la bonne mine de la fille d'auberge jusqu'au point de vue de la cascade. Partout, il lui sembla contempler de gigantesques décorations peintes par quelques titans, élèves de naguère, pour l'amusement des touristes. À peine s'il put rencontrer de loin en loin quelques rabbins oubliés sous les pins, quelques mers de glace hors de la route des voituriers, quelques lacs encadrés de pitons bleuâtres, au bord desquels il lui fut permis de s'asseoir et de peindre sans craindre l'arrivée d'un Anglais en blouse grise. Car depuis 15 ans, les Anglais se sont abattus sur la Suisse comme des sauterelles sur les plaines des pharaons, avec cette différence pourtant que les sauterelles dévoraient l'Égypte et que c'est la Suisse qui dévore les Anglais, ou les counoyaient de Pission jusqu'à Berne. Partout, vous apercevez quelqu'un qui mange, consultez un guide du voyageur. Vous pouvez chanter le « God Save the Queen » avec l'assurance d'être compris. Frédéric Garnier arriva donc à Bâle, un mois après son départ de Milan, ayant vu plus d'Anglais que de glaciers, fatigué de favoris blonds et de voiles verts, et prêt à chanter avec les jeunes premiers de M. Scribe « Je suis français, mon pays avant tout ». Au moment de son arrivée, il y avait grande foule à Bâle pour les élections. Les étrangers affluaient d'Alsace et d'Allemagne, si bien que toutes les auberges étaient pleines. Frédéric sollicita vainement de 10 hôteliers une de ces couchettes de plumes ornées de 2 serviettes auxquelles on donne le nom de lit en Suisse, et il fut partout repoussé. Il ne lui restait plus à visiter que les 3 Rois, hôtels en renom, où il avait moins de chance que partout ailleurs de trouver un gîte. Aussi ne prit-il point la peine de descendre de son voiturin. Il se contenta de l'arrêter devant la porte, et selon l'usage suisse, l'hôtelier accourut. « Un lit ?» demanda Garnier. « Je n'en ai plus, monsieur. »« Au diable, les auberges et les élections. Alors je dîne et je continue jusqu'à Saint-Louis. Vous allez être servi. » Frédéric se prépara à descendre du voiturin. Ses yeux, en se levant, tombèrent sur un voyageur debout à la porte de l'hôtel et qui causait avec une femme voilée. C'était M. Bertmann. Il laissa échapper une exclamation de surprise et fit un geste. Mais au même instant, la femme voilée rentra vivement en entraînant son interlocuteur. Frédéric se hâta de régler avec le cocher et entra dans la salle des voyageurs pour les rejoindre. Il y avait beaucoup de monde. Il chercha longtemps inutilement. Enfin, il rencontra l'hôtelier et lui demanda à M. Bertmann. « Il est parti, monsieur. Parti. Il y a quelques minutes à peine. Et où va-t-il ? À Baden. Il était ici depuis longtemps ? Depuis 2 jours seulement. J'ignorais qu'il dut quitter Bâle aujourd'hui. Alors, vous pouvez disposer de la chambre qu'il occupait. Je viens de la donner, mais celle de sa nièce est à la disposition de monsieur. Je l'arrête. » Après avoir admiré le Rhin, visité la cathédrale et la bibliothèque, Frédéric, fatigué, se fit indiquer sa chambre et y monta. Elle était encore dans le désordre où l'avait laissée celle qu'il occupait quelques heures auparavant, et tout y prouvait la précipitation d'un départ inattendu. Des papiers déchirés étaient épars sur le parquet. Une ceinture avait été oubliée sur un fauteuil, et un livre y était encore ouvert. C'était la Valérie de Madame de Krudener. Après avoir parcouru quelques pages de ce dangereux chef-d'œuvre, le jeune peintre vint vers la cheminée où il avait vu briller un médaillon. À peine y eut-il jeté les yeux qu'il jeta un léger cri. Il venait de reconnaître le portrait de l'inconnu du Luxembourg. Il se rappela alors la femme qu'il avait vaguement entrevue causant avec Bertmann, et il ne douta point que ce ne fût elle. Elle l'avait sans doute aperçu, et son départ subi n'avait eu d'autre but que de l'éviter. Mais comment se trouvait-elle la nièce de ce même M. Bertmann qui lui avait fourni les moyens de faire son voyage d'Italie? C'était donc elle qui l'avait envoyée? L'Allemand n'était-il venu qu'à son instigation? Et cet achat de tableau n'avait-il été qu'un détour adroit pour forcer Frédéric à accepter un bienfait ou n'était pas plutôt un moyen détourné pour l'éloigner de France? Garnier se perdait en conjectures, mais quel que était le motif de l'étrangère, il voulut à tout prix sonder cet incompréhensible mystère, et la rencontre fortuite qu'il venait de faire à Bâle avait ravivé toutes ses curiosités. Bien des fois, en lisant l'avis des maîtres, il avait envié leurs existences aventureuses. Il lui sembla qu'il dépendait de lui de laisser aussi à ses biographes futurs l'occasion de quelques romanesques histoires. Il se trouvait d'ailleurs dans une de ces veines d'audace que donne la réussite. Il pensa qu'il touchait peut-être la découverte de quelque étrange secret. Il se rappela la beauté de l'inconnu, réfléchit qu'il pouvait encore, sans inconvénient, retarder de 2 mois son retour à Paris, et résolut enfin de partir dès le lendemain pour Baden à la recherche de M. Bertmann et de sa nièce. Mais lorsqu'il y arriva, tous deux étaient déjà repartis pour Vienne. Frédéric balança un instant à poursuivre, mais ce qu'il venait de voir de l'Allemagne le ravissait. Il avait du temps, de l'argent. Il continua sa route, toujours précédé par l'oncle et la nièce, dont il ne perdit les traces qu'en entrant dans la capitale de l'Autriche. Vienne est le Paris de l'Allemagne. La vie y est facile, le peuple gai et les plaisirs nombreux. Garnier n'était pas tellement occupé de son inconnu qu'il oublia tout le reste. Il visita les monuments et les musées dans le plus grand détail. Un soir, en entrant au théâtre, il entendit parler français et se retourna. C'était Henri Leblanc. « Je te croyais à Rome, » dit Leblanc. « Et moi, je te croyais à Paris. »« Que diable es-tu venu faire ici ?»« Me préparer une clientèle. »« Comment ? Tu voyages en Allemagne pour te faire une clientèle à Paris ?»« Ce n'est pas plus étonnant que de retourner de Rome en France en passant par Vienne. »« Tu te moques de moi ?»« Nullement !» On parle beaucoup depuis quelque temps d'un docteur allemand qui a trouvé le moyen de guérir par les infiniment petits. Je comprends. Tu es venu étudier son système? Du tout. Je suis venu pour voir les musées de Munich, de Vienne et de Berlin. Mais à mon retour à Paris, je me fais médecin homéopathe. On penserait que j'ai étudié la doctrine sur les lieux et ma fortune est faite. C'est-à-dire que tu tromperas ce pauvre public? Des épiciers, murmura Leblanc, en haussant les épaules avec un superbe dédain. « Mais où loges-tu ? » Garnier lui donna son adresse. « J'irai te voir. Je veux te présenter dans les salons que je fréquente. J'avais des lettres d'introduction pour tout le monde. On m'a reçu à bras ouverts, et depuis 15 jours, je passe toutes mes soirées à manger des tartines de jambon dans les meilleurs salons de Vienne. » Garnier accepta l'offre de son ami, espérant obtenir des personnes qu'il verrait quelques renseignements sur M. Bertmann et sa nièce. Pour faciliter cette recherche, il pensa copier en grand la miniature que le hasard avait mise en sa possession, espérant faire plus facilement reconnaître celle qu'il cherchait. Il achevait ce travail lorsque Leblanc entra. « Hein ! » dit-il, « on sait donc déjà ton arrivée. Pourquoi cela ? Puisque tu fais des portraits. Je connais cette dame, toi, » s'écria Frédéric, « moi-même. Et sais-tu son nom ? On me l'a dit, mais c'est un de ces sobriquets barbares impossibles à retenir. Je l'ai vue plusieurs fois chez la comtesse de Rimberg avec son mari. Elle est mariée ? Eh oui, avec un Hongrois à moustache, qui ne ressemble pas mal à un châtigre empaillé. Tout le monde en a peur, y compris sa femme, qui l'a, dit-on, épousée de force. Comment cela ? Ah, il y a toute une histoire. Il paraît que c'était une fille d'un pauvre pasteur de campagne. Le Hongrois en est tombé amoureux, et comme elle était promise à un autre, il a fait condamner le fiancé pour braconnage, puis l'a épousée à sa place. Et on reçoit ce misérable ? Comment donc ? C'est un seigneur riche et fort bien en cour. Il a été chargé de plusieurs missions secrètes. » Frédéric n'en demanda pas davantage, de peur d'éveiller les soupçons de Henri, dont il connaissait l'indiscrétion. Il le pria seulement de le présenter chez la comtesse de Rimberg. Le soir même, comme ils s'y rendaient ensemble, en passant par la rue de Léopoldstadt, Leblanc lui montra un équipage qui venait de s'arrêter devant un hôtel somptueux. « Tiens, » dit-il, « voilà le mari de ton beau modèle qui rentre chez lui. » Garnier se détourna vivement et aperçut un homme d'une taille élevée qui descendait de voiture, mais il était seul. Le lendemain, Garnier habitait la rue de Léopoldstadt, et des croisées de sa chambre élevée, il pouvait apercevoir ce qui se passait dans l'hôtel que Henri lui avait désigné la veille. Quelques adroites questions faites à son hôtesse lui confirmèrent le récit de Leblanc. Il résolut de ne rien négliger pour savoir s'il avait réellement retrouvé son inconnu et pour découvrir enfin le mot de cette curieuse énigme. Parmi les fenêtres de l'hôtel donnant sur la rue, il en avait remarqué deux, dont les stores étaient constamment baissés. Il pensa que ce devait être la chambre de la jeune femme. Deux jours s'écoulèrent sans qu'il pût vérifier sa supposition. Enfin, le troisième jour, une des fenêtres s'ouvrit et le seigneur hongrois passa coudé à la balustrade. Le dernier rayon du soleil couchant jouait dans les rideaux et jetait jusqu'au fond de l'appartement une lueur mourante. Frédéric crut y apercevoir une femme, vêtue de blanc, étendue sur un canapé, mais elle était trop loin et trop peu éclairée pour qu'il pût la reconnaître. Le Hongrois demeura assez longtemps seul au balcon, et la nuit commençait à venir, lorsque tout à coup il se retourna, et à ses mouvements, Frédéric devina qu'il parlait. Alors l'ombre blanche et confuse que le jeune peintre avait distinguée au fond de l'appartement parut s'agiter. Elle se leva avec effort et s'avança lentement vers la fenêtre. Frédéric avait soulevé le rideau derrière lequel jusqu'alors il s'était tenu caché. La tête en avant, l'œil fixe et retenant son haleine, il attendait que cette forme fût devenue plus distincte. La jeune femme, qui s'était avancée, le front baissé, releva tout à coup la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Garnier. Le jeune homme voulut se retirer, mais avant qu'il se fût replié en arrière, il vit tendre les mains et l'entendit pousser un cri. Il demeura quelques instants immobile, n'osant relever le rideau qu'il avait laissé retomber devant lui. Mais bientôt retentit le bruit d'une fenêtre qui se refermait avec violence. Il avança la tête, le Hongrois et l'inconnu avaient disparu, et les stores étaient baissés de nouveau. Le soir même, son hôtesse lui apprit que l'on était venu demander des renseignements à son sujet. Que l'on s'était informé de son nom, de son pays, de ses habitudes et du motif de son séjour à Vienne. Frédéric devina sans peine la cause de toutes ces questions. On l'avait reconnu. Il comprit tout ce qu'il avait à craindre dans un pays étranger, où il se trouvait sans protection et en possession d'un secret que certaines gens pouvaient étouffer à tout prix. Il résolut en conséquence d'agir avec la plus grande circonspection. Quelques jours s'écoulèrent sans événement. Les fenêtres de l'hôtel hongrois ne s'étaient point ouvertes, et Garnier commençait à craindre que l'inconnu ne fût parti. Un soir, Leblanc arriva avec deux billets pour l'opéra. « Attends-nous, lui dit-il, c'est une pièce nouvelle, il y aura foule aujourd'hui. » Ils eurent en effet beaucoup de peine à se placer. Après une assez longue attente, le rideau se leva. Frédéric reconnut dès les premières scènes un opéra français dont il avait vu les premières représentations à son départ de Paris. Rien n'avait changé à l'œuvre française, c'était le même dialogue, les mêmes chants, la même instrumentation. Si l'on eût entendu les acteurs chanter juste et l'orchestre jouer en mesure, on se fût cru au théâtre de l'Opéra Comique à Paris. Déjà, les deux premiers actes avaient été joués, et le rideau allait se lever pour la troisième fois, lorsque Garnier sentit un papier se glisser sous ses doigts. Une main furtive disparut au même instant dans la loge voisine, et avant qu'il eût songé à ce qu'il devait faire, il entendit la porte de cette loge se refermer. Le billet ne contenait que ces mots tracés au crayon. « Jeudi, trouvez-vous au bal masqué de la duchesse de Rheinberg en costume albanais. Si l'on vous demande ce que vous cherchez, vous répondrez « Que sais-je ?» L'écriture du billet était d'une main de femme et Frédéric ne douta pas un instant qu'il ne vînt de son inconnu. Leblanc l'avait justement présenté la veille à la duchesse de Rheinberg et celle-ci l'avait invité à la fête qu'elle donnait. Rien ne s'opposait donc à ce qu'il s'y trouvât. Il résolut de se rendre au bal et de tout essayer pour pénétrer le mystère qui le préoccupait depuis si longtemps. Le jour venu, il revêtit le costume indiqué et se présenta chez la duchesse. Son empressement lui avait fait devancer l'heure ordinaire, il y avait encore peu de monde dans les salons. Après avoir examiné tous les invités déjà venus, Frédéric se plaça près de la porte pour voir entrer ceux qui arrivaient, espérant qu'un hasard pour lui faire reconnaître la femme qui l'attendait. Mais la foule le força bientôt à quitter cette place. Repoussé peu à peu vers le haut des salons, il renonça à une recherche impossible et se décida à attendre. Cependant, la nuit s'avançait. Les danses avaient été déjà plusieurs fois interrompues et reprises, l'orchestre venait de se taire de nouveau, et les invités se portaient vers la salle du banquet que l'on venait d'ouvrir. Fatigué de la lumière et du bruit, Garnier laissa passer les florillons des danseurs. Il aperçut une porte entr'ouverte, la poussa doucement et se trouva dans une petite bibliothèque à peine éclairée. Il se laissa tomber sur un canapé en poussant un soupir de lassitude et d'ennui. Il y était à peine depuis un instant qu'un pas léger se fit entendre. Il se retourna Une femme en riche costume espagnol était debout derrière lui. « Que cherchez-vous ? » lui demanda-t-elle à voix basse. « Que sais-je ? » Elle fit un mouvement et regarda de tous côtés. « Plus bas, monsieur, » murmura-t-elle. « Nous sommes seuls, madame. » Elle approcha davantage. « Qu'êtes-vous venu faire à Vienne, monsieur ? Vous cherchez. » La jeune femme recula. « Me chercher, et pourquoi ? » ?»« Pour la seconde fois, je vous dirai, que sais-je ? Votre apparition a été un événement si extraordinaire dans ma vie qu'en retrouvant vos traces, j'étais saisi d'une inquiétude curieuse et qu'à tout prix, j'ai voulu vous revoir. Qu'avez-vous à me demander ? » ?»« Tout, madame. » « Car je n'ai rien deviné au drame dont vous m'avez fait le témoin, et presque l'acteur. Je ne sais ce que je dois croire, et ce secret me pèse comme un remords. Ah, vous avez l'âme trop ferme, madame, pour ne pas comprendre que mon impatience de connaître est autre chose qu'une vaine curiosité. C'est je ne sais quel espoir romanesque d'aider à quelque grande réparation de vous être utile. C'est le besoin de vous parler de ce que vous avez fait pour moi. Car je le sais maintenant, ce monsieur Bertmann, qui m'a rendu subitement assez riche pour que je puisse visiter l'Italie, était envoyé par vous. Ce que j'avais cru un hasard heureux n'était qu'un bienfait caché. Mais ce bienfait, madame, je dois savoir à quel titre il m'a été accordé. Et quelle obligation il m'impose. De quoi cet argent était-il le prix, dans votre pensée ? Payait-il mon silence ou un service rendu ? L'un et l'autre, monsieur. Alors je le refuse, madame. S'écria Frédéric vivement, je ne vends ni mes services, ni ma discrétion. Par grâce, écoutez-moi, monsieur. Vous êtes venu ici, dites-vous, poussé par une noble curiosité. Vous voulez me servir ? Eh bien, monsieur, qu'il vous suffise de savoir que tout ce qui s'est passé est irrévocable. Que le malheur en pèse sur moi seul désormais, que votre présence peut me perdre. Je suis une esclave enchaînée dans l'antre d'une bête féroce qui, à la moindre colère, me tuera. Le secret que vous me demandez me coûterait la vie, monsieur, s'il était connu. Oh, je vous en conjure, quittez Vienne, retournez en France. Vous ne savez pas quel danger vous courez ici. Vous avez déjà excité la jalousie du comte. On vous surveille, on vous suit. Il a fallu le hasard et le tumulte de cette fête pour que je puisse vous parler. Il me cherche peut-être déjà. En prononçant ces mots, la jeune femme regarda autour d'elle avec inquiétude. Tout à coup, ses yeux s'arrêtèrent vers le fond du cabinet. Elle recula en faisant un geste d'épouvante. Frédéric, qui avait suivi son mouvement, aperçut dans une glace le reflet d'une tête penchée à la porte entrouverte. Il se leva avec une exclamation de surprise et fit un pas vers cette porte. Mais elle sourit brusquement et un homme en costume d'Arménien parut debout sur le seuil. « Je vous dérange ? » dit-il d'une voix sombre. À cet accent, l'étranger recula chancelante et perdue. « Que me voulez-vous, monsieur, et qui vous a permis de nous écouter ?» demanda Frédéric. Sans lui répondre, l'Arménien voulut s'avancer vers la jeune femme, mais Garnier lui barra le passage. Les deux hommes se regardèrent un instant en silence, dans une attitude de provocation et de haine. Enfin, tout à coup, l'Arménien arracha son masque et montra au jeune homme la figure du seigneur hongrois. « Me reconnaissez-vous » demanda-t-il d'une voix terrible. « Je n'ai pas l'art de lire les noms sur les visages. » répondit Frédéric froidement. « Votre compagne sera plus habile. Arrière, monsieur. Bas les masques. Arrière, vous dis-je. » Le Hongrois porta la main à son poignard et Garnier à son yatagan. Mais dans ce moment, la musique se fit entendre. La foule venait de rentrer dans les salons et une troupe de masques se précipita dans la bibliothèque en riant. Frédéric profita de ce moment de tumulte pour ménager à la comtesse les moyens de s'échapper. Lorsqu'il se retourna pour chercher l'Arménien, il ne le retrouva plus. Le lendemain, il était seul dans sa chambre, occupé à ranger dans une malle quelques effets de voyage, quand le seigneur hongrois entra brusquement. À sa vue, Frédéric tressaillit. L'étranger s'avança vers lui et demanda à M. Frédéric Garnier. « C'est moi, monsieur. Lisez !» Garnier, étonné, prit la lettre qui lui était présentée et reconnut au premier coup d'œil l'écriture du billet qu'il avait déjà reçu. Il l'ouvrit et lut. Nous n'avons échappé que par miracle, comte. Une seconde entrevue nous perdrait. Si je vous ai jamais inspiré quelque intérêt, partez sur le champ. Peut-être pourrai-je répondre quelques jours aux questions que vous m'avez adressées. Mais il faudra pour cela du temps et de la liberté. Partez donc, sans rien attendre, sans rien demander. Tâchez d'oublier une nuit dont je voudrais effacer le souvenir avec tout mon sang. Marguerite. Vous avez lu ? Demanda le comte à Garnier. « Oui, monsieur. Quelles sont vos armes ? Je ne vous comprends pas, monsieur. » Le Hongrois leva les yeux sur Frédéric avec un étonnement farouche. « N'avez-vous pas lu l'adresse de cette lettre, monsieur ? C'est la mienne. » « Et qui l'a écrite ? Je l'ignore. » « Alors, monsieur, la feinte est inutile ? » s'écria le comte en frappant du pied. « Me croyez-vous donc aveugle et sourd ? Je n'ai jamais laissé d'injure impunie. Il faut qu'un de nous meure, vous le savez. N'espérez point m'échapper cette fois. Nous ne sommes plus chez madame de Rimberg. Quelque temps qu'il vous faille pour retrouver votre courage, j'attendrai, car je ne veux sortir d'ici que pour recevoir satisfaction. » À ces mots, le comte s'assit, comme s'il eût voulu mieux témoigner de sa résolution. Mais en s'appuyant au marbre de la cheminée, sa main rencontra le médaillon trouvé à Bâle par Frédéric. Il le prit avec distraction, le retourna et reconnut le portrait de la comtesse. Il se releva avec un cri de rage. « Monsieur, dit-il à Garnier, les dents serrées, je vais chercher des armes. Dans une heure, je serai ici, et si vous refusez de vous battre, je vous tuerai. » Frédéric, resté seul, s'assit pensif. Ce qui s'était passé depuis quelques jours avait fait succéder à sa curiosité première une sorte de repentir. En cherchant à pénétrer le mystère qui se rattachait à la comtesse, il avait obéi à la fois à un caprice poétique et à une vanité romanesque de jeune homme. Il avait rêvé tout un drame dans lequel il avait eu soin de se donner le plus beau rôle et dont les péripéties étaient disposées d'avance à son avantage. Mais il vit bientôt que dans son enthousiasme, il n'avait tenu compte ni des difficultés ni des ennuis et il commence à comprendre que les grandes aventures étaient plus distrayantes dans les livres que dans la réalité. La scène qui avait eu lieu la veille chez madame de Rimberg et dans laquelle la jalousie sauvage du Hongrois s'était révélée l'avait déjà fait réfléchir et il était bien résolu à la prudence lorsque la provocation du comte était venue tout déranger. Il pouvait détruire sans doute l'erreur qui avait amené cette provocation, mais pour cela il fallait tout raconter, livrer un secret duquel dépendait l'honneur, la vie d'une femme, et ce moyen de salut lui répugnait comme une lâcheté. D'ailleurs, quelle preuve donner à l'appui de ses paroles ? Le comte ne pouvait-il pas refuser de croire ou même d'écouter ? Était-il bien sûr qu'il ignorât la vérité et que sa jalousie ne fût pas un prétexte et qu'il ne songeât pas à frapper un témoin sous l'apparence d'un rival ? Frédéric ne savait à quelle de ses suppositions s'arrêter. Cependant, à tout événement, il écrivit à Leblanc une lettre dans laquelle il racontait succinctement ce qui s'était passé et lui exprimait ses dernières volontés dans le cas où il succomberait. Lorsqu'il eut achevé, il relut sa lettre lentement et il se sentit pénétré d'une profonde tristesse. Cet adieu à la vie, pourquoi ne l'avait-il point écrit une année auparavant, lorsqu'il était encore pauvre et inconnu ? Alors, rien ne l'attachait à la terre. Mourir n'eût été pour lui que fermer les yeux et ne plus souffrir. Mais non, la fortune avait voulu lui montrer tout ce que l'existence a de doux. Elle l'avait fait riche, heureux, admiré. Puis, maintenant, au milieu de la joie de son triomphe, elle étendait la main pour le frapper, comme si le bonheur qu'elle lui avait d'abord donné n'avait eu pour but que de lui faire mieux sentir l'amertume de mourir. Cette pensée fit venir une larme aux paupières du jeune homme, mais il maîtrisa son émotion et plia la lettre. Comme il achevait, le comte entra. Il portait la main de pistolet de combat. « Je suis à vous, » dit Frédéric. Le comte déposa ses armes sur la cheminée. Garnier cacheta la lettre destinée à Leblanc, mit l'adresse et se leva. « Avant de sortir, monsieur, » dit-il, « encore un mot, ce sera le dernier. Je jure, sur l'honneur, que je n'ai jamais aimé la comtesse, que je ne l'ai vue que deux fois, que j'ignore même son nom, que ce portrait dans lequel vous avez vu un gage d'amour a été trouvé par moi à Bâle où il avait été oublié. « Mensonge, mensonge, et la lettre ?»« La lettre, celle qu'il a écrite a seul le pouvoir, le droit de l'expliquer, monsieur. »« Et elle le fera, » dit une voix calme. Frédéric et le Hongrois se retournèrent en même temps. La comtesse était debout à la porte qui venait de s'ouvrir. « Marguerite, » s'écria le comte, « que venez-vous faire ici ? Vous empêchez de commettre un crime ? Sortez, sortez !»« Je ne sortirai qu'avec vous, monsieur le comte. »« Ah, vous avez peur pour votre amant ?» Il jeta au Hongrois un long regard de mépris et de colère. « Mon amant, » dit-elle d'une voix tremblante, « vous savez bien qu'il n'est point ici, monsieur le comte. »« Mais cette lettre, madame. Avez-vous oublié, monsieur le comte, un jeune homme auquel j'étais promise et que vous avez fait lâchement jeter dans les prisons pour m'arracher à lui ?»« Il ne s'agit point de Franz, madame. Vous vous trompez. car celui que j'aimais avant de devenir votre femme par violence, et après je l'aimais encore davantage. Vous l'avez fait condamner comme un criminel avant de me conduire en France, et cependant, il parvint à m'y rejoindre. Lui, c'est impossible. Vous étiez absent, monsieur le comte, occupé d'intrigues politiques à Londres. Je pus le revoir sans crainte. » Le comte étendit la main vers ses pistolets. « Pas encore, monsieur, » dit la jeune femme avec un rire amer. « Il faut que vous sachiez tout. Franz était à Paris depuis 2 mois quand vous m'annonçâtes votre retour. Il me propose alors de fuir avec lui. Mais j'avais encore mon enfant. J'étais sûr, d'ailleurs, que nous ne pourrions échapper à votre poursuite. Que cet enlèvement coûterait la vie à Franz. Je voulais le sauver, malheureuse. Je refusais. Je reçus alors une lettre de Franz qui m'écrivait. « Ce soir, je serai sous vos fenêtres pour vous attendre ou pour mourir. » J'étais à la campagne. J'arrivais à Paris éperdu. Le Luxembourg venait de se fermer. Je courus chez monsieur qui demeurait au-dessous de notre appartement. Il m'ouvrit une porte donnant sur le jardin et quand j'arrivais, Franz était mort, monsieur. La jeune femme cacha son visage dans ses 2 mains. « Vous comprenez maintenant, » reprit-elle après un long silence, « pourquoi la présence de monsieur me troubla la première fois que je l'aperçus, pourquoi j'ai voulu le voir et lui écrire pour l'éloigner ?» Le comte avait tout écouté dans un calme terrible, un pistolet dans chaque main, l'œil fixe, les lèvres serrées. Il s'avança enfin vers Garnier, qui était demeuré muet et épouvanté. « Vous quitterez Vienne demain, monsieur, » dit-il d'un accent bref. Le jeune homme fit un mouvement, mais la comtesse lui jeta un regard suppliant. « Je partirai, monsieur, » dit-il froidement. Alors le comte saisit le bras de la jeune femme qui frissonna sous ses étreintes, et tous deux disparurent. Un mois après, Frédéric Garnier rencontra Paris Leblanc qui arrivait de Vienne. Les deux amis causèrent quelque temps. « À propos, » dit tout à coup Henri, « je sais le nom de ta Hongroise. C'est la comtesse Marguerite de Kleswalter. Comment l'as-tu appris ? Je l'ai vue sur ses billets d'enterrement. Que dis-tu ? S'écria Frédéric, épouvanté. La comtesse est morte le lendemain de ton départ. C'était La maison de la rue d'Enfer par Émile Souvestre.